Les gloires de Marie, deuxième partie, par saint Alphonse de Liguori, docteur de l'Église, extrait, markemdanarchive.org, 2023 d'après livremystique.com. De la fuite de Jésus en Égypte. Comme le cerf, atteint d'une flèche, porte partout où il va la flèche qui l'a blessé, ainsi la divine mère, après la triste prophétie de saint Siméon, porta toujours avec elle son tourment, avec la pensée continuelle de la passion de son fils, ainsi que nous l'avons vu en considérant la première douleur. Un interprète a dit, sur un passage des Cantiques, 7, 6, que les cheveux couleur de pourpre de Marie, dont il y est parlé, marquait sa constante préoccupation des souffrances du Sauveur, qui lui faisait voir comme actuellement versé le sang qui devait jaillir un jour de ses plaies. Jésus était donc le trait qui perçait le cœur de Marie, et plus il lui paraissait aimable, plus il lui causait de douleur, par la pensée qu'une mort si cruelle le lui ravirait un jour. Examinons maintenant le second glaive de douleur qui frappa Marie dans la fuite en Égypte, où la persécution d'Hérode la força de conduire l'enfant Jésus. Hérode ayant appris que le Messie attendu était né, eut la crainte qu'il ne lui enlevât le trône, crainte ridicule que saint Fulgence a flétrie éloquemment. L'impie espérait apprendre des saints mages où le royal enfant était venu au monde, afin de lui ôter la vie, mais, se voyant trompé par les mages, il ordonna la mort de tous les nouveau-nés qui se trouvaient alors aux environs de Bethléem. L'ange apparut en songe à saint Joseph, et lui commanda de fuir en Égypte, Matthieu 2. Gerson prétend que cette nuit même saint Joseph avertit Marie, et que prenant l'enfant Jésus ils se mirent en route, comme cela paraît clairement résulter de l'Évangile. Ô Dieu, dit alors Marie, selon le bienheureux Albert le Grand, il faut donc qu'il fuie les hommes, celui qui est venu pour sauver les hommes. Cette mère affligée connut alors que la prophétie de saint Siméon sur le sort de son fils commençait à se vérifier, en voyant qu'à peine né, il était poursuivi à mort. Quelle peine dut pénétrer le cœur de Marie, quand on lui intima ce dur exil, ainsi qu'à son fils. On présume aisément tout ce que Marie souffrit dans ce voyage. La route était bien longue pour arriver en Égypte, les auteurs lui donnent ordinairement près de 200 lieues, en sorte que le trajet dura au moins 30 jours. Cette route, d'ailleurs, telle que la décrit saint Bonaventure, était rude, mal connue, coupée par des bois, et peu fréquentée. C'était l'hiver, et il leur fallut, battus par la neige, les pluies et les vents, se tirer d'un chemin rompu çà et là et fangeux. Marie avait alors 15 ans, elle était délicate, et n'avait pas l'habitude de pareils voyages. Nul serviteur, enfin, pour les soulager. Quel touchant tableau, ô mon Dieu, que cette faible vierge fuyant avec son enfant nouveau-né dans ses bras. Quelle pouvait être leur nourriture sinon un morceau de pain dur apporté par saint Joseph ou reçu en aumône. Quant à leur repos, surtout dans le désert, où ils ne rencontraient ni habitation, ni hôtellerie, ils le prenaient sur le sable, ou sous un arbre, exposés aux injures de l'air, aux attaques des voleurs ou des bêtes sauvages dont l'Égypte abonde. En rencontrant ces trois grands personnages, certes on les eût pris pour trois pauvres mendiants ou vagabonds. Ils habitèrent en Égypte un lieu nommé Maturée, suivant Brocard, bien que saint Anselme prétende qu'ils se fixèrent à Héliopolis, autrefois Memphis et aujourd'hui le Caire. Ils y furent condamnés à une pauvreté extrême, comme l'assure saint Antonin, saint Thomas, etc. Ils étaient étrangers, inconnus, sans revenus, sans argent, sans parents, À peine parvenaient-ils à se nourrir par leur travail. Les pauvres ne liront pas, sans y trouver un motif de consolation pour eux-mêmes, ce que Landolf a écrit de Marie, tel était son dénuement, que souvent elle manquait d'un morceau de pain, que son fils pressé par la faim venait lui demander. Après la mort d'Hérode, rapporte saint Matthieu, l'ange apparut de nouveau en songe à saint Joseph, et lui enjoignit de retourner en Judée. Saint Bonaventure, parlant de ce retour, médite sur la vive anxiété que causèrent à la bienheureuse Vierge les souffrances de Jésus alors âgé de 7 ans. Le spectacle de Jésus et de Marie ainsi condamnés à la fuite dans le pèlerinage de ce monde, nous enseigne à vivre aussi sur cette terre en pèlerin, sans nous attacher au bien que le monde nous présente, et qu'il faudra quitter bientôt pour passer à l'éternité. Hébreux 13, 14. Il nous enseigne, en outre, à embrasser les croix, parce qu'on ne peut vivre en ce monde sans croix. La preuve en est que la bienheureuse Véronique de Binesco, religieuse augustine, ayant accompagné en esprit Marie et l'enfant Jésus dans sa fuite en Égypte, la divine mère lui dit à la fin, « Ma fille, vous avez vu avec quelle peine nous avons atteint cette contrée. Sachez qu'on ne reçoit pas de grâce qu'il n'en coûte des souffrances. Pour moins souffrir en cette vie, il faut prendre avec soi Jésus et Marie, celui qui porte avec amour dans son cœur ce fils et cette mère, se rend toutes les peines légères, douces et agréables. Aimons-les donc, consolons Marie en accueillant dans nos cœurs son fils qui est encore aujourd'hui persécuté des hommes par leurs péchés. » Exemple, un jour Marie apparut à la bienheureuse Colette, de l'ordre de saint François, et lui montrant dans un berceau l'enfant Jésus mis en pièces, elle lui dit, « C'est ainsi que les pécheurs traitent continuellement mon fils. En renouvelant sa mort et mes douleurs, ma fille, priez pour eux, afin qu'ils se convertissent. »